On a traîné dans la carrière. Les portes qui pètent à 6 du mat, les petits qui détaillent dans le bat, c'est illégal, mais on veut manger. J'ai la tête dans les lobes, mais elle me parle d'histoire de love. C'est tout pour les platas, s'il te plaît, me lâche pas. Sur le terrain comme caca, fin de CR, c'est la cata. Si tu crames le midi, mini, je peux sortir la lâche-ca. Les condés veulent m'emmener d'ici, donc s'il te plaît, me lâche pas. Yeah. C'est parce que j'ai fait dans la zone. Maintenant la police met sur écoute nos téléphones. J'ai pas le temps, il me faut du love. J'ai l'as des billets à la place du cœur. Tu sais que c'est tombé sur un mauvais jour. Et pourtant j'ai pas le temps. Ça fait longtemps que tu m'attends. Mais tu sais que tu te fais plus de mal qu'autre chose. Je fais que des temps pleins sans mi-temps. Et toi tu trouves ça inquiétant. Je sais pourtant je suis prêt à claquer. J'ai Gucci, Louis Vuitton, Chanel. J'espère pouvoir fêter l'union de nos deux veines. T'es mon petit cœur, ma vie pour la tienne. Trop la tête, inquiéto pour te dire mais je t'aime. Pour la tête, elle pense que j'ai une autre meuf sur le côté. Mais non, non, tous les jours je dois la rassurer. Elle prétend qu'elle assume plus trop mon métier. Non, non, c'est le manque de confiance qui fait qu'on en est là. Elle pense que je lui manque, que je fais du cinéma. Elle a l'impression que j'ai toutes les meufs sur moi. Mais je lui répète que non, non, non, non, non, non, Elle me dit qu'elle assume plus mon succès. Fait des films à mort, du coup le projet part en sucette. T'es la seule à mes yeux, ça tu le sais. Arrête d'être parano, juste prends sur toi. Je sais bien tomber sur un mauvais jour. Et que pour toi j'ai pas le temps. Ça fait longtemps que tu m'attends. Mais tu sais que tu te fais plus de mal qu'autre chose. Je fais que des temps pleins sans mi-temps. Et toi tu trouves ça inquiétant. Je sais pourtant je suis prêt à claquer. J'ai Gucci, Louis Vuitton, Chanel. J'espère pouvoir fêter l'union de nos deux veines. T'es mon petit cœur, ma vie pour la tienne. Trop la tête, inquiéto pour te moi, dire je t'aime. Bizarre quand tout va bien. Je sais que je suis un peu parano à la base. Rien n'est parfait, tout a un défaut. Je dois peut-être te dire que j'ai pété un câble. Mais au fond, je sais que pourtant je suis prêt à claquer. J'ai Gucci, Louis Vuitton, Chanel. J'espère pouvoir fêter l'union de nos deux veines. T'es mon petit cœur, ma vie pour la tienne. Trop la tête, inquiéto pour te dire je t'aime.